بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés vers cela. On n'y serait pas arrivé sans la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهذه أيها الأحبة في الله مجلس آخر من هذه المجالس التذكيرية عملا بقوله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est une assise du rappel conformément au verset dont la traduction approximative nous dit cela. Fais le rappel car le rappel est profitable, croyons. ومجلسنا اليوم إن شاء الله حول حقوق السنة. وكما يعلم الجميع أن السنة هي الدين والدين هو السنة. والسنة هي سفينة النجاة. ومن خلال ما لمسناه ولمسه غيرنا ومن خلال نقاشات مع بعض الناس وما نسمعه من البعض يتبين أن كثيرا من الناس لا من رحم ربك لا يفهمون حقيقة السنة سواء العوام منهم أو المثقفين. وهذا ليس بغريب لأن بعض المفاهيم قد تخفى على كثير من الناس ولا يطلع عليها إلا من عاش السنة في جل أوقاته ودرس كتب السنن والمجامع والمسانيد. وهؤلاء أهل الحديث رحمهم الله الذين يقيم الله بهم الدين. فأهل الحديث أجزل الله لهم المثوبة وجزاهم الله إنا خير الجزاء. دأبوا وجاهدوا وتعبوا ونصبوا وبذلوا من أوقاتهم وراحاتهم وأموالهم في سبيل جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, notre assise aujourd'hui est consacrée au sujet des droits de la sunna, qui est un sujet très important. Et comme tout le monde le sait, la sunna c'est la religion et la religion c'est la sunna. La sunna c'est l'arche du salut. Celui qui le prend, il sera sauvé à travers ce que nous observons et ce que d'autres avant nous ont observé. Et à partir de certaines discussions à droite et à gauche, il apparaît clairement que beaucoup de gens, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a couvert de sa sainte miséricorde, ne comprennent pas la réalité de la sunna. Et ceci chez les intellectuels comme chez la masse. Enfin, il n'y a rien d'étonnant dans tout cela, car certaines définitions échappent à beaucoup de gens et ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent que ceux qui vivent, comme le terme de la sunna et comme la définition de la sunna ne la connaissent réellement que ceux qui vivent la sunna à chaque instant de leur vie. Et ceux qui étudient les recueils de la sunna, et ceux-là, ce sont les gens du hadith, par le biais desquels Allah subhanahu wa ta'ala a accompli la religion. Les gens du hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, ont fait beaucoup d'efforts et ont sacrifié leur temps, leur confort, leur argent pour réunir la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Wa indama dhahara ulama usul al-fiqh wa dakhalat alayhim falsafat al-yunan wa ilm al-kalam wa ghayruha waqa' infisam khatir bayna al-faqih wa bayna al-muhaddith wa asbaha 'inda an-nas hadha rajul yu'rafu bi annahu muhaddith wa hadha yu'rafu bi annahu faqih. وسمعتم كما سمعنا من هذه الطراهات الكثير الشيخ الألباني رحمه الله عالم جليل محدث وليس بفقيه هكذا يقولون وهلم جراء. ومن أن أين لك الفقه إذا لم يأتك من الحديث. وهنا تداخلت واختلطت المفاهيم عند الكثير عند من رحم ربك. ومن أكبر المفاهيم التي اختلطت وتشوشت وانغبشت صورتها مفهوم السنة. Mais, frère Allah subhanahu wa ta'ala, lors de l'apparition des savants des fondements du fiqh, chez lesquels s'est immiscée la philo grecque et autres sciences comme la scolastique, qui est une mixture entre la philo grecque et la théologie chrétienne. À ce moment-là, s'est immiscée dans leur science. Quand s'est immiscée dans leur science ce genre de philosophie, de scolastique, un fossé dangereux a été créé entre le faqih et le muhaddith. Et il y a eu cette distinction dans l'esprit des gens, en disant tel il est connu par le hadith, c'est un muhaddith. Tel il est connu par le fiqh, c'est un faqih. Et vous avez entendu ce genre de terme, l'Albani, c'est un grand savant du hadith, ce n'est pas un faqih. Et comment on peut être faqih sans le hadith? Comment on peut avoir le fiqh si la base ne vient pas du hadith du prophète, alayhi salam? Et vu, que cette scolastique s'est immiscée dans cette science des fondements, à ce moment-là, les définitions se sont brouillées chez certains gens. Et parmi les définitions qui ont été brouillées et l'image est devenue floue, c'est la signification du terme la sunna. ومما لا يخفى عليكم وهذا من باب التذكير أن السنة لغة تطلق على السيرة حسنة كانت أو قبيحة واصطلاحا عند المحدثين ما أتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية كل هذا يدخل في السنة عند المحدث وعند الأصوليين هي أصل من أصول الأحكام الشرعية ودليل من أدلتها وعند الفقهاء على العموم يجعلون السنة مقابل الواجب ما ليس بواجب فهو عندهم سنة على العموم et parmi les choses qui ne vous échappent pas, le terme de la sunna en langue arabe disait la voix, que la voix de la personne soit bonne ou mauvaise. Ça s'appelle sunna. Et au niveau de la terminologie religieuse, elle est divisée en trois parties. Chez les gens du hadith, ce terme sunna désigne tout ce qui nous est parvenu du messager alayhi salatu wasalam comme parole, comme acte, comme approbation, les compagnons font un acte devant lui, il approuve. Ça, c'est une sunna aussi. Comme description corporelle ou description concernant le comportement. Tout ça rentre dans la définition de la sunna, c'est les jambes du hadith. C'est l'osoliyoul, les fondamentalistes, ceux qui s'occupent des fondements du fiqh. La sunna est un des fondements de la législation et une preuve parmi les preuves de la législation. Quant à chez le fuqaha, en général, la sunna pour eux fait face à l'obligation. Donc, ils désignent chez les fuqaha ce qui n'est pas obligatoire. Ce qui est une sunna n'est pas obligatoire. والسنة يتعامل معها العلماء على حسب الميدان وعلى حسب تخصص كل عالم من العلماء فأهل الحديث يعتبرون كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولنا وفعلنا وتقريرنا وصفة خلقيتنا وخلقية كل ذلك عندهم يسمى سنة فمفهوم السنة عند أهل الحديث يشمل كل ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما ليس من سبيل التدين والعبادة فمثلا كانت العرب كانوا يركبون الجمال والبغال والخيل والحمير والرسول صلى الله عليه وسلم كان يركب هذه الدواب وحرص أهل الحديث رحمهم الله تعالى على نقل أسماء دواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالقصواء وغيرها، حتى ما هو من سبيل العادات وليس مما يتعبد به الإنسان، وليس مما يتعبد به الإنسان. فالإنسان لا يتعبد بأسماء ما يركب، لكن مع ذلك يقول أهل الحديث تسمية ما يركب من سننه عليه الصلاة والسلام، لأن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حركات وسكنات وصفات خلقية وخلقية يعتبر عند أهل الحديث سنة. Donc, le rapport des savants avec la sunna dépend de leur spécialité. Les gens du hadith considèrent tout ce qui vient du prophète comme parole, comme acte, comme approbation ou description corporelle au comportement. Tout ça, pour eux, fait partie de la sunna. La définition de la sunna chez les gens du hadith englobe tout ce qui émane du messager, même les choses qui n'ont rien à voir avec l'adoration. Par exemple, les Arabes avaient comme habitude d'avoir des montures, les chameaux, les dromadaires, les mulets, les chevaux, les ânes, et ainsi de suite. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam utilisait toutes ces montures, toutes sortes de montures aussi, alayhi salatu wassalam. Les gens du hadith nous ont transmis les noms des montures des messagers alayhi salatu wassalam, comme le qaswa et autres. L'être humain n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala avec les noms de ses montures. Mais pour les gens du hadith, les noms du monture du messager alayhi salatu wassalam font partie de sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Car tout ce qui vient du messager sallallahu alayhi wa sallam pour les gens du hadith, c'est une sunna. Hatta innaka la ta'jab anna muhaddithan naqala 'an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu kana min 'adatihi wa min hay'atihi fi khutabihi annahu yarfa'u sawtahu wa tadhharu 'alayhi malamihu al-ghadab حتى تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه كأنه مندل جيش يقول قد صبحكم ومساكم. تصور أنت أن رجلا يقول للناس العدو وراءكم، العدو دخل البلاد، كيف سيقولها؟ لا بد أنه سيقولها بشدة وصراخ وحمية. فكذلك كانت خطبه صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء ذلك عند مسلم وغيره. فيبوب المحدث باب حمرار العينين وانتفاخ الأوداج في الخطبة. وهذا مثال آخر في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصفحة، الدباء القرعة يحب الدباء عليه الصلاة والسلام. فقال أنس فأحببت الدباء من يوم إيد. أنتم ترون الآن أكل القرعة عبادة؟ طبعا لا، لكن هذه صفة من شهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شهواته ومن صفاته النفسية. ولكن كيف أصبح هذا الصحابي الجليل أنس يحب الدباء؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه. والعجب كذلك من هذا، والأعجب من هذا صنيع النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، فقال باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين أي الدباء القرعة. كيف يبيب رحمه الله ويجعل باب استحباب؟ والاستحباب ليس عادة، لأن المستحب عند الفقهاء يتاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فتأمل رحمني الله وإياك كيف نقل رحمه الله شهوة نفسية للرسول صلى الله عليه وسلم، وبوّب عليها أنه يستحب للمرء أن يأكل القرع ويتاب على أكله. وهذا من المفاهيم التي كانت عند أهل الحديث والتي يوافقون فيها مفهوم السنة في كل ما يرد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث وآثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. Certains hommes du hadith ont rapporté que le messager sallallahu alayhi wa sallam, lors de ses khutab, quand il fait sa khutba, il élevait la voix et il apparaît sur son visage les signes de la colère, alayhi salatu wassalam. Ses yeux devenaient rouges, ses veines jugulaires gonflées, comme un éclaireur qui avertit les gens d'un danger. Imagine-toi, hein, le gardien de la ville de Thiès, il voit une armée qui arrive sur la ville. Comment il va avertir les gens? Hein? Bien sûr, avec. Il va utiliser, hein? Il va épuiser tout ce qu'il y a comme énergie au niveau de sa voix pour avertir les gens. Hein? Hein? Et ben, dans les khutab du messager alayhi salatu wassalam, c'était ainsi. Hein? Comme cela est relaté dans le recueil de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala et chez d'autres. Le muhaddith ouvre le chapitre avec ce titre. Chapitre, les yeux deviennent rouges et les veines jugulaires gonflent lors de la khutba. Ça c'est le titre. Hein? Et voici un autre exemple dans les authentiques. Le hadith d'Anas radiyallahu anhu arda, Anas ibn Malik, qui était le serviteur du messager alayhi salam, qui a dit, j'ai vu le messager d'Allah chercher la courgette dans le plat. Donc Douba, le terme qui est utilisé, rentre dedans la courgette blanche, verte, jaune, toute. Ça c'est les yaqtin, toute. On englobe toute la famille. Hein, de ce qu'on appelle courgette, parce qu'il y a plusieurs variétés. Hein. Il a dit, j'ai vu le messager d'Allah chercher la courgette dans le plat. Anas a dit, depuis ce jour-là, j'ai aimé la courgette. Hein? Comment vous voyez la consommation de la courgette? Est-ce que c'est une adoration? Bien sûr que non. Mais c'est un désir du messager alayhi salatu wassalam. Et regardez maintenant comment son noble compagnon, cet acte, quand il a vu le prophète alayhi salatu wassalam chercher la courgette dans le plat, comment cela pénètre chez lui l'amour de la courgette. Car le messager sallallahu alayhi wa sallam l'aimait. Et la situation encore est plus extraordinaire quand tu regardes ce qu'a fait Nawawi rahimahullah. Quand il a venu à l'explication de Sahih Muslim, il a mis un chapitre, il est préférable de manger la courgette. Hein? Et d'avoir la sauce dont, hein, de, que le plat soit avec de la sauce et de manger la courgette. Et il a mis comme titre, il est préférable. Mais dites-toi le titre maintenant. Le titre du chapitre, hein, il est préférable, hein, de manger la courgette. Alors que le préférable, chez le fuqaha, chez les hommes de science, ce n'est pas une habitude. Le préférable, chez le fuqaha, celui qui l'accomplit, il sera récompensé. Et celui qui ne le fait pas, il ne sera pas châtié. Il ne mérite pas le châtiment. Mais dites qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre de ses saintes miséricordes, comment Nawawi rahimahullah a transmis ce désir personnel du messager alayhi salatu wassalam, on a fait, et on a fait un chapitre. Il est préférable de manger la courgette. Et la personne sera, on sera récompensé. Bien sûr, pour qu'il soit récompensé, cela a besoin d'être accompagné d'une intention. Et cette intention, c'est quoi? C'est tout simplement, moi je mange et j'aime la courgette parce que le prophète l'aimait. Il faut avoir cette intention-là. Et comme ça, le préférable, ce qui est autorisé, ce qui est du domaine du normal, du désir personnel, peut changer et prévaloir à la personne. Là, la récompense. Comme le fait, la personne va, il est fatigué, il va s'endormir. Mais il s'endort avec l'intention pour avoir de la force pour se réveiller pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour son sommeil, il est récompensé. Et ainsi de suite. Hein? Il prend plaisir avec son épouse. Mais avec l'intention de se préserver des fitnes, et avec l'intention d'avoir une descendance, et avec l'intention de préserver ses femmes, ben il sera récompensé, malgré qu'il a pris son plaisir. Hein? Donc il y a l'intention qui vient pour faire changer les choses. Hein? Et donc, cette façon de faire de Nawawi rahimahullah fait partie des définitions de la sunna chez les hommes du hadith. Cette définition avec laquelle ils sont en conformité, hein, avec la définition de la sunna en ce qui concerne tout ce qui vient du messager alayhi salatu wassalam, ses paroles, ses actes, ses approbations et tout ce qu'il aurait transmis des nobles compagnons radhiyallahu anhum. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ويقول من رغب عن سنتي فليس مني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. فمفهوم السنة عند المحدثين أوسع من مفهومها عند الفقهاء وعند الأصوليين، فالفقهاء يجعلون السنة مقابل الفرض، والسنة عند الأصوليين أصل من أصول الأحكام الشرعية ودليل من أدلتها. ويظهر الفرق بين تعريفي المحدثين والأصوليين في الصفة الخلقية، في الصفة الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنها عند المحدثين مندرجة في حد السنة، لأنهم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه الأسوة والقدوة للأمة، فإن قلل الأمة كلما أتل عنه أثبت حكما شرعيا أم لم يثبت. وليست الصفة الخلقية كذلك عند الأصوليين، لأنهم إنما يبحثون عما يثبت الأحكام ويقررها، فلم تدخل الصفة الخلقية عند جماهيرهم حجية السنة. إيه فخيرون الله سبحانه وتعالى المسجد الله أدي كومبونيفو à ma voix et à la voix du khalif bien guidé. Mordez dessus avec vos molaires. Et il a dit, celui qui se détourne de ma voix, il ne fait pas partie de ma voix. Hein? Dans la définition de la sunna chez les gens du hadith, la définition de la sunna chez les gens du hadith est beaucoup plus vaste que celle chez le fuqaha, les jurisconsultes et les savants des fondements. Hein? Les fuqaha mettent la sunna face à l'obligation. Et la sunna, si les fondamentalistes, c'est un fondement parmi les fondements de la législation, une preuve parmi les preuves de cette législation. Et la différence entre la définition de la sunna chez les fondamentalistes et les gens du hadith, elle est dans la description corporelle du prophète alayhi salatu wassalam. Car pour les hommes du hadith, cela fait partie de la sunna. Car c'est le modèle pour la communauté. Donc les hommes du hadith transmettent tout ce tout ce qui émane du prophète alayhi salatu wassalam. Que ce soit au niveau de sa description corporelle, comment il s'habillait, au niveau de son comportement, et ainsi de suite. Que cela prouve un jugement ou là il ne le prouve pas, ils le transmettent. Il fait partie de la sunna dans la définition chez les hommes du hadith. Contrairement aux fondamentalistes dont la recherche ne concerne que ce qui confirme un jugement. Et donc la description corporelle chez leur grand nombre ne fait pas partie de la sunna, de la définition de la sunna chez eux. Car ils ne confirment pas un jugement. قال علماء السلف كما ذكر ذلك صاحب الحجة في بيان المحجة، السنة هي العمل بالكتاب والسنة والاقتداء بصالح السلف واتباع الأثر. وذكر كذلك قول أهل اللغة الذين قالوا السنة هي السيرة والطريقة، فقولهم فلان على السنة ومن أهل السنة أي هو موافق للتنزيل والأثر في الفعل والقول، ولأن السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا الله سبحانه وتعالى savons de la voix des salafs, on dit la sunna c'est la mise en application du livre d'Allah et le suivi des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim et des atar. Ceci est rapporté par Isfahani dans le Hujja fi Bayan al-Mahajja. Il a dit aussi, rahimahullah ta'ala, que les linguistiques et les savants de la langue ont dit la sunna c'est la voie. Et il dit quand ils disent tel est sur la sunna ou fait partie des gens de la sunna, cela veut dire qu'il est conforme à la révélation et au atar et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans ses paroles, dans ses actes, car la sunna ne peut pas être dans la divergence avec Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Fin de citation des paroles d'Abil Qasim al-Asbahani rahimahullah. Qala Ibn Rajab rahimahullah fi jami'i al-ulum, والسنة هي الطريق المسلوك فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو أي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال وهذه هي السنة الكاملة ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله انتهى كلامه رحمه الله ولك أخ الإسلام أن تتأمل تعامل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سنته لكي يظهر لك الفرق بيننا وبينهم ولماذا أعزهم الله عز وجل ونصرهم ورفع قدرهم. روى ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء عن أبي المصبح قال بينما نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك بن عبد الله الخثعمي إذ مر مالك بجابر بن عبد الله وهو يمشي يقود بغلا له فلا قال له مالك أي أبا عبد الله اركب فقد حملك الله فقال جابر أصلح دابتي وأستغني عن قومي وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار فأعجب هذا مالكا فصار حتى كان حيث يسمعه الصوت وناداه بأعلى صوته يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله فعرف جابر رضي الله عنه الذي يريد الأمير فرفع صوته فقال أصلح دابتي وأستغني عن قومي وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار فتواتب الناس عن دوابهم فما رأيت يوما أكثر ماشيا منه. سبحان الله, متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في غبار الأرض بمثل هذا الاتباع جاءت عزة الأمة وشرفها ومجدها ونصرها. ونحن اليوم كما ترون ما يعجب الكثير إلا من رحم ربك إلا التشبه بالخسيس باسم حرية الفكر والحضارة والتمدن. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. فنسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا. فتأملوا ما يجري الآن في هذه الأيام من مظاهرات في داكار وغيرها, فهذا لورثناه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحبه الكرام, إنما هذا جاءنا عن أعداء الله وأعداء هذا الدين. فأنى لنا العزة والتمكين والرفعة والشرف, فكل ما بني على فاسد فهو فاسد ولا شك في ذلك. إن الله سبحانه وتعالى ابن الرجاب دي لسنة سلابوا, et cela englobe le fait de se cramponner à la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici khalif bien guidé dans les croyances, dans les actes, dans les paroles, et ça c'est la sunna complète. C'est pour ça que les salafs, auparavant, ne donnaient ce nom qu'à celui qui englobe tout ça. Fin des paroles de Ibn Rajab rahimahullah dans Jami' al-Uloum. Et nous avons, frère Allah subhanahu wa ta'ala, à méditer comment les nobles compagnons se comportaient avec la sunna. Cela nous permettra de voir la différence entre nous et eux. Il nous fera comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés et les a élevés au-dessus de toute l'humanité, au-dessus de toute l'humanité après les prophètes et les messagers alayhi salatu wassalam. Dans un hadith rapporté par Ibn Hibban et authentifié par Cheikh Nasr al-Albani rahmatullah alayhi dans l'Irwa, selon Abil Misbah, qui a dit alors que nous marchions sur la terre de Romaine, ils étaient en troupes militaires, que nous marchions sur la terre romaine avec une troupe dont le commandant était Malik ibn Abdillah al-Khat'ami. Malik, à un moment donné, est passé à côté de Jabir ibn Abdillah, le noble compagnon, qui marchait en tenant les rênes de sa mule. Malik lui a dit, « Oh Aba Abdillah, monte ta mule. Allah te l'a octroyé. » Jabir ibn Abdillah lui dit, « Je repose ma mule pour ne pas après dépendre de mon peuple. Hein? Je la repose. » Et il a dit, « J'ai entendu le messager d'Allah dire, « Celui dont les pieds se couvrent de poussière sur le sentier d'Allah, Allah l'interdit à l'enfer. » Cette parole a plu au commandant Malik. Et il a avancé jusqu'à un endroit où on peut l'entendre, où toute l'armée peut l'entendre. Et il a crié très fort. Ya Aba Abdillah, monte ta mule. Allah te l'a octroyé. Jabir a compris le message. A compris ce que voulait Malik. Et il a élevé sa voix en disant, je repose ma mule pour ne pas dépendre de mon peuple. Et j'ai entendu le messager d'Allah dire, celui dont les pieds se couvrent de poussière sur le sentier d'Allah, Allah l'interdit à l'enfer. Et les gens sont tous descendus de leur monture. Le narrateur dit, je n'ai pas vu des gens marcher plus que ce jour-là. Tout le monde est descendu pour avoir cette récompense et cette poussière au niveau des pieds. Méditez, frère d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comment le suivi de ces nobles messagers d'Allah. Regardez, le suivi même dans la poussière. La poussière de la terre. Et c'est avec ce genre de comportement que la communauté a eu la suprématie et les honneurs et la puissance et la gloire. Et qu'ils ont traversé des régions. Ils ont conquis des cœurs avec ce suivi. Et nous aujourd'hui, comme vous le remarquez, beaucoup se plaisent dans leur ressemblance avec les non-musulmans, au nom de la liberté de penser, au nom de la civilisation, au nom du libertinage, alors que notre messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ressemble à un peuple, il fait partie d'eux. Et regardez, est-ce que maintenant les honneurs et la suprématie, la sérénité, la tranquillité, la stabilité va nous arriver de ce qui se passe à Dakar et dans les grandes villes? Est-ce que ça c'est la voie sur laquelle était le messager alayhi salatu wassalam? Est-ce que ça les compagnons ont fait cela ou leurs successeurs? Cela te prouve que les leaders que nous avons et les beaux parleurs, là, ils ont pris une direction qui n'est pas la direction du messager alayhi salatu wassalam. Ils traînent la communauté vers sa perte. Ils font le jeu. Ils accomplissent les agendas des ennemis d'Allah, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Ils font le travail à sa place. Ils font le travail à la place des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. أيها الإخوة الحضور، اجتمعت الأمة سلفا وخلفا على أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع، وأنه لا غنى للمسلمين أبدا عن السنة، ودعوة الاستغناء عن السنة بالقرآن دعوة باطلة ودعوة خبيثة وراءها أعداء الإسلام. وأخبرنا بذلك الصادق المصدوق قبل أن تصل إلينا هذه الدعوة، قال عليه الصلاة والسلام: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بالحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. والحديث صحيح، رواه ابن ماجه والترمذي وغيرهم، وهو في صحيح الجامع. وقد ظهر هذا الرجل مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من الهند قبل أكثر من 200 سنة، وقال بالأخذ بالقرآن دون السنة، وحكم عليه علماء عصره وبلاده بالإلحاد والزندقة والخروج من الدين والأمر كما قالوا. ومنذ ذلك التاريخ وهذه الدعوة الخبيثة تطل على الناس بقرونها بين الحين والحين، ويسمون أنفسهم بالقرآنيين، يزعم هؤلاء العمل بالقرآن دون السنة، لأن القرآن كما زعموا محفوظ، وأما السنة فقد دخل فيها ما ليس منها. ولو عقل هؤلاء ما قالوا الذي قالوا، ولو كانوا يعقلون لعلموا أن القرآن يوجب العمل بالسنة، فلو كانوا صادقين في دعواهم العمل بالقرآن لعلموا أن القرآن قد ألزم بالعمل بالسنة، بحيث لا يكون الرجل أبدا عاملا بالقرآن حتى يكون عاملا بالسنة. والإمام ربيع حفظه الله تعالى رد على أحد من المصريين من هؤلاء، وهو محمد صدقي، وهذا يطعن في حجية السنة. صلى الله سبحانه وتعالى أن نحفظنا وإياكم. الشيخ فغيرنا الله سبحانه وتعالى la communauté est unanime que la sunna est la deuxième source de la législation et aucun musulman ne peut s'en passer. Le fait de prétendre qu'on peut se passer de la sunna et de se suffire avec le Coran, ceci est une da'wa fausse, est une da'wa impure, est une da'wa puante derrière laquelle il y a les ennemis de l'islam. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé là l'apparition de cette da'wa avant qu'il arrive. Avant que cette da'wa n'arrive. Et les choses sont arrivées comme il les a annoncées alayhi salatu wassalam. Il a dit dans le hadith authentique qui est dans Sahih al-Jami' et dans d'autres recueils, il a dit: bientôt apparaîtra l'homme adossé sur son divan. En lui annonçant mon hadith, il dira: entre nous, vous, il y a le livre d'Allah. Ce que nous trouvons comme les sites dans le livre d'Allah, il en sera ainsi. Et ce que nous trouvons comme illicite, nous le prenons comme illicite. Alors que ce que Allah a jugé, alors que ce qu'a jugé le messager d'Allah et ce qu'a décrété le messager d'Allah, c'est comme, comme illicite. Et comme ce qu'a déclaré Allah subhanahu wa ta'ala comme illicite. Il n'y a pas de différence. Cet homme est apparu il y a 2 siècles en Inde, comme le prophète l'a annoncé. Et il est apparu en Inde et a proclamé la mise en application du Coran en dehors de la Sunna et à mettre de côté la Sunna. Les savants de l'époque là-bas en Inde l'ont déclaré athée, zindiq, mécréant. Et la situation est comme ils ont décrété, rahimahumullah. Et depuis de cette date, cette impure da'wa, et cette pionne da'wa ne cesse de faire son apparition par moments dans certaines régions. Et nous avons actuellement au Maroc, Amoudel, qui est un docteur en nutrition, et qui proclame aussi ce genre d'annerie. Riyadan billah. Et d'autres, il y a un en Syrie actuellement, il y a un autre, ils sont plusieurs maintenant. à vouloir faire imposer ce délire et cette impureté à la communauté musulmane, et ils s'appellent les Qur'aniyoun, les Qur'anites. Ces adeptes prétendent mettre en application le Qur'an sans la Sunna. Mais ces individus avaient une raison. Et s'ils faisaient travailler un petit peu leur méninges, ils ne diraient pas cela. Car le Qur'an, dans maintes versets, t'oblige à prendre la Sunna. Hein, et à mettre en application la Sunna. Donc s'ils étaient véridiques dans leurs prétentions, il serait que l'être ne peut mettre en application le Coran comme étant en application la Sunna. Le noble Cheikh Rabi', qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ange sa vie dans son obéissance, a répliqué à un malade comme cela, qui est un Égyptien qui s'appelle Mohammed Sidqi, et qui est dans ce même délire que le Coran Yoon. Il a répliqué à d'autres qui sont apparus là-bas en Égypte. Et nous, au Maroc, on est éprouvés par certains actuellement. وذكر بعض الطلبة أنه صلى مرة في مسجد بالشام فوضع سترة أمامه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته والحديث صحيح عند أبي داود وعند غيره فجاء رجل متأتل بهذه الدعوة الخبيثة ويقول بقول القرآنيين فقال ما هذه التي صليت إليها أليست هي الصنم فقال له هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائتني بآية من القرآن أنا لا أخذ إلا بالقرآن فتبين له أن هذا متلوث فكره وعقله بفكر هؤلاء القرآنيين قال لا تأتيني بأحاديث لأن الحديث فيه الصحيح والمكذوب والباطل فأنا لا أخذ بالأحاديث فقال له صليت معنا الآن أي صلاة صليت معنا فقال المغرب فقال كم صليتها قال ثلاث ركعات قال ائتني بآية من كتاب الله تبين أن المغرب ثلاث ركعات فوقف ولم يتكلم ولم يجب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثلاث ركعات فقال له بنفس لغته ها رأيت أنت النبي صلى الله عليه وسلم بعينيك يصلي المغرب ثلاث ركعات قال لا قال له وكيف تصلي ثلاث ركعات وأنت لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأتي بآية في كتاب الله وليس عندك آية في كتاب الله تبين لك ذلك فقال جاءنا ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقر واعترف فقال وكذلك السنن جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك سنة السترة جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان فلا بد لك أن تأخذ بالسنة مع القرآن فلم يستطع أن يزيد كلمة واحدة كان يتديون سيونس أهون كونتخي a raconté cette histoire qui lui est arrivée un jour dans une mosquée à Cham, au nord de l'Arabie. Ce demandeur de science, après la prière de le Maghreb, il a mis une sutra devant lui pour prier les deux unités surrogatoires. Conformément à l'ordre du prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith authentique chez l'imam Abi Daoud et d'autres, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque parmi vous prie, qu'il prie à un obstacle ». Et qu'il soit proche de l'obstacle pour que le shaitan ne lui coupe pas sa prière. Un homme dont l'esprit est pollué par la doctrine du Qur'anit, quand cet étudiant a terminé sa prière, s'est rapproché de lui en disant « C'est quoi cette statue vers laquelle tu as prié ? Regarde, le délire. » Il est garçon, où est-ce qu'il amène? C'est quoi cette statue vers laquelle tu as prié? L'étudiant lui a dit ça, c'est la sunna de ton messager, alayhi salatu wassalam, et de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam. L'autre lui a dit, ramène-moi un verset du Coran, je ne reconnais que le Coran. Nous ne ramènons pas de hadith, car dans le hadith, il y a l'authentique, il y a le faux, il y a le mensonge, il y a l'inventé, etc. L'étudiant lui a dit, tu as prié avec nous, quelle salat maintenant? On lui a dit, j'ai prié avec vous, le Maghreb. Il lui a dit, combien de rak'at tu as prié? Il lui a dit, j'ai prié 3 rak'at. L'étudiant lui a dit, ramène-moi un verset du Coran où il est dit qu'il faut prier le Maghreb 3 rak'at. L'étudiant lui a répondu, le prophète a prié 3 rak'at. Et pour descendre à son niveau vil, il lui a dit comme ça, tu as vu le prophète, toi, prier 3 rak'at de tes yeux? Comment tu pries 3 rak'at? Hein? Tu as vu le prophète, toi, prier? Ça, pour descendre à son niveau, lui montrer que il est dans le délire. Alors, comment tu l'as pris? Comment tu peux prier 3 rak'at alors que tu n'as pas vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le faire, et tu n'as pas pu ramener un verset qui t'impose de prier le Maghreb 3 rak'at? Ah, l'homme lui a dit, cela nous est parvenu des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a prouvé, il a reconnu son erreur. L'étudiant lui a dit, il en est de même de toutes les sunnans. Ils ne sont parvenus de par les nobles compagnons d'Allah alayhim. Et ils sont préservés. Ils nous ont été rapportés par ces nobles compagnons et leurs successeurs. Il nous est obligatoire de prendre le Coran avec la sunna. Et la sutra que tu m'as vu prendre fait partie de la sunna du prophète alayhi salam. Et là, khlas, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il peut dire en face de tout ça? Hein? L'ayadan billah. Fa, Allah tabaraka wa ta'ala, ba'ata Muhammadan bilhaq, bashiran, wa nadiran, wa da'yan ila Allahi bi'idnihi, wa sirajan منيرة وشهد له سبحانه وتعالى بالرسالة الله سبحانه وتعالى شهد له بالرسالة وأنه رسول الله حقا قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله وقال عز وجل ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la vérité. Et il l'a envoyé comme annonciateur et avertisseur. Et il l'a envoyé pour rappeler à Allah subhanahu wa ta'ala avec l'ordre d'Allah, tel un flambeau étincelant. Allah a attesté que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Et qu'il a transmis un message, et Allah subhanahu wa ta'ala a transmis un message à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il le transmette et pour qu'il l'enseigne aux gens. Et la traduction approximative du sens du verset nous dit cela. C'est lui, c'est-à-dire Allah, qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la faire prévaloir sur toute autre religion. Et Allah a suffi en cela pour témoin. Muhammad est le messager d'Allah. Dans l'autre traduction de l'autre verset, les mécréants disent, tu n'es pas un messager. Réponds-leur, Allah suffit comme témoin entre moi et vous. Et ceux qui ont la connaissance du livre en sont aussi témoins. Cela nous prouve quoi ? Nous prouve que le Coran, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a la révélation du Coran, il a aussi la révélation de la Sunna, et que les obligatoires, ce sont comme deux siamois qu'on peut, inséparables. Impossible de les séparer. Hein? Wa akhbar Allah azza wa jal fi kitabi anna alladhi anzalahu ala rasoulihi sallallahu alayhi wa sallam huwa al-Quran wa sunna. Qala subhanahu wa ta'ala wa anzala Allahu alayka al-kitaba wal-hikma. Wal-hikmatu hiya sunna. Hein? وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم والحكمة هي السنة بدليل قول الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال العلماء: وكل حكمة قرنت بالقرآن الكريم في القرآن الكريم فالمراد بها السنة. وبين سبحانه وتعالى أنه حافظ ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا اللفظ الذكر هنا يشمل القرآن ويشمل السنة، فلا بد من حفظ القرآن ومن حفظ السنة، فلا يكون القرآن محفوظا إذا ضاعت السنة، لأن السنة هي المبينة للقرآن، فلا بد من حفظها إكمالا لحفظ القرآن. ولذلك قيض الله تبارك وتعالى للحديث من يحفظه ويميز بين الثابت منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين المشكوك في ثبوته، وبين المكذوب والموضوع عليه عليه الصلاة والسلام. فإن الله سبحانه وتعالى الله عز وجل أنونسي دون سون ليف كي لا ريفيلاسيون ميساج القرآن إلى سنة لي دو على فوا. دون لا تراديكسيون أبروكسيماتيف دو فيرسي نو دي سولا: Allah a fait descendre sur toi le livre et l'hikma. L'hikma ici, c'est la sunna. La preuve est dans l'autre verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a adressé aux femmes du messager alayhi salatu wassalam, dont la traduction nous dit cela: souvenez-vous des versets d'Allah et de la hikma. C'est-à-dire la sunna récitée dans vos foyers. Allah est bienveillant et omniscient. Les hommes de science ont dit: tout terme hikma qui est cité avec le Coran et qui accompagne le Coran dans le Coran, cela veut dire la sunna, cela concerne la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a clarifié dans le Coran comme quoi il protège le Coran, il protège la sunna aussi. Le verset il est clair, hein, dans la traduction approximative, qui nous dit: c'est nous qui révélons, qui avons révélé dhikr, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, et nous, et c'est nous qui le préserverons. Dhikr ici, qui est le rappel, dans la traduction littérale, ici désigne le Coran et désigne la Sunna. Donc le Coran et la Sunna sont protégés par Allah. Le Coran ne serait jamais protégé si la sunna ne l'est pas. Car c'est la sunna qui nous explique le Coran et qui nous clarifie sur le contenu du Coran. Donc il est obligatoire que la sunna soit protégée. Allah subhanahu wa ta'ala protège le Coran, il protège son éclaircissement qui est la sunna. Et donc obligatoire que la sunna soit protégée pour que le Coran, pour que s'accomplisse que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Le Coran soit préservé. Les deux, ils sont préservés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala fait exister des hommes particuliers au milieu de la communauté, qui sont les hommes de hadith, qui ont mémorisé les hadiths du messager alayhi salatu wassalam, et qui ont distingué, qui ont eu la capacité, la science, pour faire la distinction entre le vrai et le faux, entre l'inventé et le mensonge sur le prophète alayhi salatu wassalam, et qui ont purifié le contenu de la sunna de tous les doutes. Et ceci par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce que voulait, c'est ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala, et ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala, il existe. Et il voit le jour comme il l'a voulu subhanahu wa ta'ala. Et ça aussi, ça doit attirer notre attention. C'est quoi la langue qui véhicule le Coran et la sunna? Hein? Si ce n'est l'arabe. Et l'arabe elle-même, elle est protégée par la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ces langues qui ont la même origine, le latin, comme l'espagnol, le français. Rentre en Italie et parle en français, on va te comprendre. Hein? L'italien qui parle en italien devant des français, ils vont le comprendre. Eh ben, hein? Mais maintenant, Abdelhalim qui parle l'arabe, il va à Karachi, il ouvre le mushaf, on voit, les gens ils vont comprendre ce qu'il est en train de dire ou pas. Il monte sur le minbar et fait une khutbah en arabe. Les gens, hein, les Pakistanais qui comprennent l'arabe, ils vont comprendre ou pas? Hein? Ça aussi, ça doit effleurer notre esprit que l'arabe, il a cette force. Et qu'il est protégé par la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah subhanahu wa ta'ala protège ce qui est véhiculé par sa, cette langue qui est la langue arabe, et qui est, hein, la langue arabe qui est la langue du Coran et la langue de la Sunna. D'où l'importance d'acquérir cette langue arabe. D'où l'importance de l'acquérir, parce que pour comprendre ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala, on ne serait arrivé sans la langue arabe. Et pour ne plus dépendre d'un traducteur, n'importe qui soit le traducteur. Hein? Un traducteur, il y a ses convictions dans sa traduction. Il ne faut pas se leurrer. Il y a sa voix dedans. Et il te la passera, il te la passera. Hein? Par ses messages, une fois que tu es attaché à lui, ben il va te guider vers la voie que lui, sur laquelle il est. Et regardez combien de traducteurs sont tombés dans l'erreur, mais une fois qu'ils ont bien vacciné leur suiveur, on ne peut rien faire. Hein? Ils cherchent des excuses là où on n'a pas. Et il faut revenir à ce qu'ont dit nos pieux prédécesseurs, d'Allah alim comme Shafi'i et d'autres. Hein? Et c'est une règle chez les savants. Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. La chose et le moyen qui va nous amener vers une obligation devient lui-même une obligation. Ce moyen. Et donc le moyen pour être à l'aise, pour bien comprendre la parole d'Allah et la sunna du prophète, et être à l'aise dans la religion d'Allah et dans notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, passe par la langue arabe. Hein? Et donc il est obligatoire pour nous de maîtriser la langue arabe. Et de lui donner le temps qu'il faut. Hein? Il faut lui donner le temps qu'il faut pour la maîtriser, pour être à l'aise dans la lecture du livre d'Allah et de la sunna de son prophète, alayhi salam. Fas'Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yarzuqna wa iyyakum fiqha fid-din, wa ij'alna wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim wa barik على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا.